gentlemen. Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes mains au croisé, me disait un esquimau, c'est grâce à la pensée Mao. S'il est vrai que plaisir d'amour ne dure qu'un moment très court, moi je vous dis qu'un bon moment, on automobile.